Bonjour et bienvenue au podcast French Running, le premier podcast bilingue. N'hésitez pas à aller télécharger la version anglaise. Donc, je suis Scott, je suis britannique, je vis dans le sud-ouest de la France. J'adore la course à pied et je trouve que je passe de plus en plus de temps à parcourir les pistes et les routes locales en train de courir. Donc, l'objectif de ce podcast, c'est de discuter ce qui est bien et pas bien dans le monde de la course, de vous expliquer ce que j'ai fait récemment en termes de course à pied, et de parler un peu de ce qui se passe en France actuellement en course à pied. Donc, pendant les dernières 5 ou 10 années, la course à pied en France est devenue immense, mais vraiment énorme. Un rapport récent montre que à peu près 10 millions d'adultes courent de manière régulière en France. Donc c'est vraiment c'est des chiffres énormes. Et même autour de moi, mes connaissances, mes amis, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui courent au moins une, deux, trois fois par semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Je suis en train de préparer mon deuxième marathon. Celui de La Rochelle, ce qui a lieu le 27 novembre. Donc j'ai déjà fait un premier marathon, c'était à Bordeaux en avril, et c'était vraiment vraiment dur. Ouais, c'était plus ou moins l'enfer à la fin. Donc du coup cette fois-ci, j'adapte un peu mon programme d'entraînement. J'ai parlé à des personnes qui courent très bien, qui se connaissent en marathon, en sport d'endurance. Donc, le premier changement que j'ai fait, c'est de courir plus, c'est-à-dire courir plus de distance et plus régulièrement. Donc, la dernière fois, j'ai couru entre 40 et 45, parfois 50 km par semaine. Cette fois-ci, j'ai parlé avec un ami, Olivier, qui m'a conseillé de courir plutôt 60-65 km par semaine. Donc j'essaie à faire ça, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, je tiens et j'ai l'impression que ça c'est plutôt efficace. Deuxième changement, c'est concernant la nutrition. Comment je mange et je bois pendant l'effort. Donc, j'ai toujours utilisé les gels. Et c'est vrai que pendant le marathon de Bordeaux, j'ai vraiment souffert au niveau de la digestion, l'estomac, etc. Donc, j'ai parlé à une de mes stagiaires dont la sœur fait tout ce qui est ultra de natation, des triathlons, etc. Et elle m'a conseillé d'essayer. L'alimentation pour bébé, les petits pots, les petites compotes pour bébé. Donc, je suis en train d'expérimenter avec ça. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je prends deux petites compotes avec moi quand je fais des longues sorties. Et pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Donc, dans le cadre de mon entraînement, j'ai couru le semi-marathon des satellites de Saint-Émilion, qui avait lieu le 16 octobre. Et c'était assez dur comme marathon, comme semi-marathon, pardon. Vu le terrain autour de Saint-Émilion, c'est assez vallonné, il y a pas mal de côtes. Donc c'était un bon entraînement. Donc ça s'est bien passé. J'ai battu mon record sur un semi. Donc je pense que l'entraînement se passe plutôt bien. Le même jour, sur Bordeaux, il y avait le ruban rose. Donc, il y avait deux événements différents. Il y avait le 6 km et les 10 km. Et cette année, il y avait dans les 12 000 coureurs, hommes et femmes, qui ont participé. Il paraît que c'est à peu près le double de coureurs par rapport à l'année dernière. Donc, c'est plutôt bon signe. Et l'année dernière, ils ont récolté plus de 40 000 euros. Donc, normalement, cette année, ils vont récolter beaucoup plus d'argent. Donc, c'est une très bonne opération. Et la semaine dernière, il y avait le 23 octobre, il y avait le marathon des villages de Cap Ferret. Donc c'est un marathon que j'ai jamais fait, mais j'ai deux, trois amis qui l'ont fait et il paraît que c'est assez unique. Je pense pas que c'est un marathon pour avoir un bon temps, une belle performance, mais c'est assez unique. On passe dans les villages de Cap Ferret et ça finit avec, il faut monter une centaine de marches à peu près au kilomètre 40. Donc c'est assez éprouvant, mais plutôt sympa, il paraît. Il y a aussi en France depuis le début de 2016, il y a Parkrun. Donc Parkrun, c'est un événement, c'est une création britannique qui existe à Londres depuis bien des années. Et elle est arrivée en France en début de l'année. Et à Bordeaux, nous avons notre Parkrun depuis mars 2016. Donc c'est tous les samedis matin, c'est à 9 h et c'est au parc Mondavit à Gradignan. Donc le but, c'est de réunir les coureurs. Les coureurs rapides, ceux qui sont en train de s'entraîner, les coureurs débutants. C'est vraiment très convivial. C'est 5 km, c'est gratuit, c'est chronométré. Il y a un site web qui démontre tous les résultats. Et c'est vraiment une ambiance très sympathique, très conviviale. Donc presque tous les samedis matins, j'y suis, je cours. Parfois, je suis bénévole. Mes enfants aussi, ils courent parfois, sinon ils sont bénévoles. Et la semaine dernière, j'ai fait un très bon parkrun cette semaine. Je pense que mon entraînement, c'est vraiment en train de payer. Donc j'ai eu un record personnel de plus d'une minute. Donc je suis plutôt satisfait, plutôt content. Donc il y a quelqu'un d'autre avec qui je cours et qui court parkrun aussi, qui a aussi battu son record cette semaine. C'est ma femme et enthousiaste de course à pied comme moi, Claire. Donc Claire, un nouveau record cette fois-ci. Bonjour, oui, je suis très contente. J'ai réussi à faire sous 30 minutes pour Ah, la c'est première bien. fois. Oui, très Très bien. bien. Et comment tu expliques cette amélioration de ton temps? Ben, en fait, je pense que c'est grâce à Laetitia parce que j'ai essayé de suivre donc une fille qui fait le parkrun assez régulièrement. Et c'est elle que je pense qu'elle m'a poussée de rester derrière elle. Donc, j'ai pas pris mon rythme habituel. J'étais un petit peu plus vite que d'habitude. Ben c'est bien. Je te dis toujours d'accélérer un peu et de pousser, de sortir un peu de ta zone de confort, Oui, quoi. c'est vrai que tu me dis toujours ça, mais bon, tu sais bien quand même que je suis beaucoup plus lente que toi. Non, Donc. mais c'est pas une question de lenteur, c'est il faut te pousser, quoi. Oui, mais je pense que toi, tu te plais mieux quand tu te forces plus. Moi, je suis plus confortable dans mon rythme, on va dire, confortable, je sais pas. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais bon, j'avoue que j'ai un côté un peu Ah compétitif. oui, un peu, beaucoup même. Il faut le dire, oui, il faut le dire. Bah, c'est bien, très bien d'avoir battu ton record. Oui, voilà. Donc, j'espère que ce week-end, enfin samedi, je vais réussir à faire à peu près le même. Je vais pas retomber dans le 30 minutes, 30 secondes comme d'habitude. Mais non, ça ira, ça On ira. verra, oui. Bah, en tout cas, il y a du beau temps à l'horizon, donc ça devrait être sympa encore. Très bien. Bon, on va maintenant regarder un peu l'actu de la course à pied. Donc, j'ai lu cette semaine qu'un Américain a battu le record pour un marathon en poussant une poussette avec un enfant dedans. Donc, l'Américain Callum Neff a battu le record au marathon de Toronto et il a fini le marathon en poussant sa fille de 4 ans dans la poussette en 2h31. Oui, c'est incroyable. 2h31, déjà courir un marathon en 2h31, c'est énorme, Bah oui, mais en poussant exactement. une petite fille de 4 ans en poussette, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment un chapeau. Je peux même pas imaginer de courir un marathon déjà. Je peux même pas imaginer. Mais ouais, ce temps-là, c'est vraiment très très bien. C'est vrai que courir, déjà courir pendant 2h30, c'est compliqué, mais derrière une poussette avec une fille de 4 ans, ça doit être. Oui, parce qu'en plus, il a fait le semi, il a battu le record pour le semi-marathon avec poussette en février. Mais là, il avait sa fille de 11 mois. Et donc là, cette fois-ci, il a choisi donc la plus grande. Donc je pense qu'aussi, le poids, c'est pas pareil. Un bébé contre une petite fillette de 4 ans. Non, c'est vrai. Donc, C'est vrai. ouais. Et toi, ça t'a jamais tenté de courir avec la poussette quand les enfants étaient petits? Ben non, parce qu'en plus, moi j'ai commencé à courir après les enfants. Et en fait, moi c'était plutôt pour échapper un petit peu. C'était 45 minutes pour moi toute seule. Donc non, j'ai jamais essayé avec poussette. Et bon, voilà, je sais pas, je pense que les matériels, j'ai vu les personnes qui courent dans la rue avec les poussettes. Je pense que on peut acheter des choses très bien pour ça. Mais bon, non, je ne veux pas faire un enfant pour essayer. Hein. Ah non, C'est... ça on est d'accord. Oui. On est d'accord. Non, c'est vrai que on voit les photos de la poussette. C'est du beau matos, hein. C'est suspension, des beaux pneus, des freins et tout ça. Donc non, je pense qu'il est bien équipé. Mais quand même, chapeau, il faut le dire. Et la petite fille aussi, parce que c'est vrai que 2h30 comme ça, je ne sais pas si elle a râlé un petit peu ou pas, mais... Elle aussi, hein, Bon, elle n'avait pas c'est trop le quelque choix. chose. Une fois démarrée, elle n'avait pas trop le choix, Bah quoi. oui, c'est ça. Elle n'allait pas s'arrêter Non. pour dire à sa fille d'arrêter de pleurnicher, quoi. Ouais, exact. Il y avait aussi un autre record qui était battu. C'était le record pour courir un semi-marathon habillé en super-héros. Donc c'est vrai que ça peut apparaître assez unique comme record, mais Mike Kallenberg, un Gallois, a battu le record au sommet de Cardiff. Elle était habillée en robin. Oui, je sais pas, il s'appelle comme ça en français aussi, je Je sais sais pas si pas. c'est Robin, Batman et Robin, je sais Je pas. sais C'est pas. Robin, Robin, je sais pas. Je sais Bref, pas. il a démarré avec Batman. Et pour une fois, c'était Robin qui a remporté la victoire. Oui, et puis j'ai vu, il y avait un clip, il y avait un athlète qui était juste devant, il a regardé derrière lui, il a vu Robin sur ses talents, je pense qu'il a eu peur quand même, et il ne voulait Ah bah pas oui, être j'imagine. battu par quelqu'un en costume quand Ah même. bah quand même, on regarde le temps qu'il a fait, il a fini, enfin tous les deux, ils ont fini en moins de 1h11. Donc je pense que Robin, il a fini en 1h10 et Batman derrière en 1h10, 1h11. Ouais, incroyable. Ah, chapeau quoi. Il y a aussi dans les médias un peu partout, surtout dans le monde britannique, enfin, les médias anglophones, c'est un coureur qui est de plus en plus célèbre, qui s'appelle Ed Whitlock. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un d'extraordinaire ce mec. Il a couru le marathon de Toronto et il a fini en 3h56 minutes 33 secondes. Donc pour moi déjà, finir en 3h56, je serais ravi. Mais la différence c'est que Ed Whitlock, il a 85 ans. Voilà, je suis à terre. Hein. C'est vraiment incroyable. Mais 85 ans, c'est un Ouais. truc de fou. Ouais. Et en plus, tu sais que il porte des baskets qui ont 15 ans. Et puis, ben, toutes les personnes te disent, oui, il faut faire très attention, il faut investir dans les très bonnes chaussures pour courir, qu'il faut les remplacer après je ne sais pas combien de kilomètres. Et lui, il continue avec ses vieux baskets incroyables. Ah, chapeau, hein. C'est vrai que on dit souvent ça, qu'il faut changer tous les 1000 km, un truc comme ça, mais Ed Whitlock, il dit non. Ouais, non, Il dit non à ça. c'est pas pour lui. Non. Et en fait, il tient le record pour son âge à chaque distance entre 1500 mètres jusqu'au marathon. Il tient le record pour chaque distance. Oui. Et il est une des personnes âgées au-dessus de 70 ans d'avoir couru un marathon en dessous de 3 heures. Il avait 73 ans en 2004 et elle a fini en 2h54. Incroyable. Ah, il est vraiment, vraiment impressionnant, super impressionnant. Alors, les actus en France, il y avait à Rouen, au nord de la France, il y avait un détenu qui a couru un marathon en prison, dans la cour de la maison d'arrêt. Donc, André Voiriot, il a décidé un jour de courir un marathon. Il a pris une roue de géométrie, il a tracé une boucle de 500 mètres, 150 mètres dans la cour. Et il a calculé, et il a couru ses 281 tours et 45 mètres. Et il a fini en 5 heures, 16 minutes et 28 secondes. Oui, bah c'est très bien. Je pense que si tu as le temps aussi, pourquoi pas te lancer un petit défi comme ça. Mais dis-moi, t'as pas fait quelque chose pareil, petit, dans le jardin chez toi? Je sais pas si c'était un marathon et un semi-marathon, mais il paraît que selon mes parents, j'ai pris le mètre pour mesurer le tour du jardin, ce que j'ai fait, et j'ai calculé. Il me semble que c'était un semi-marathon, mais à vérifier. Et j'ai calculé le nombre de tours qu'il fallait. Ma maman, elle a mis des biscuits, des boissons sur le balançoire. Et chaque fois que je passais, je m'hydratais avec ça. Mais apparemment, je l'ai fait. Ça m'a plu, il paraît. Oui, donc en fait, c'est pas étonnant que depuis tu aimes bien courir. Oui, mais je pense que même à cet âge-là, j'étais plus rapide qu'aujourd'hui. Ouais, probablement, ouais. À mon avis. Ok, alors les événements imminents en France, qu'est-ce qui se passe dans les semaines à venir? Donc le 6 novembre, dimanche 6 novembre, il y a le BOB Saint-Sébastien. Et c'est une course qui démarre à la frontière espagnole et qui finit à Saint-Sébastien. Et on a fait ça tous les deux, Saint-Sébastien. Oui, l'année dernière, c'était chouette, c'était le 8 novembre l'année dernière et bon, c'était la première fois pour moi et un vrai défi, c'était la première fois que j'ai couru cette distance, hein, 20, un petit peu plus que 20 km, pas vraiment un semi-marathon, c'est ça? C'est ça, c'est 20 et quelques. Ouais. C'est un kilomètre moins d'un semi. Et puis en plus, il a fait très très chaud l'année dernière. Ah oui, il faisait 28, 29 degrés, Ouais. quoi. C'était très très chaud. Et en plus avec ça monte, hein, la course, ça monte beaucoup même. C'est très dur. Il est très dur. Il y a 2, 3, voire 4 ou 5 côtes qui montent très très haut. Et effectivement, c'est assez, assez, c'est un beau challenge. C'est un beau challenge. Oui, à refaire peut-être. Mais en fait, moi, j'aimerais refaire avec quelqu'un qui a peut-être le même rythme que moi, parce que à deux, je pense que ça sera pas mal, parce qu'en plus, l'ambiance est vraiment chouette. Ah oui, l'ambiance est magnifique, hein. Il y a du monde le long du parcours et finir à Saint-Sébastien en longeant la plage, ça c'est spécial, C'est ça c'est super. génial. Oui, excellent. Il y a aussi le 13 novembre, il y a le marathon de Nice-Cannes, qui est un des marathons les plus connus, les plus célèbres en France. Et dans la région bordelaise, le 29 octobre, il y a le X-Cross Eliminator à Artigues, près Bordeaux. Et ça a l'air plutôt intéressant. C'est un petit parcours de 300-400 mètres où il y a des manches avec six coureurs. Les deux premiers passent à la course suivante. Et je pense que le troisième passe en barrage pour qualifier éventuellement pour les courses suivantes. Donc il continue ça jusqu'à la finale. Et celui qui gagne remporte le tournoi. Mais ça a l'air assez impressionnant. Super intéressant. Je pense que pour moi, ça pourrait être une course qui m'intéresserait. Pas moi. Mais non, jamais? Non, jamais. Non, pour moi, courir, alors moi j'ai mon rythme, bon, c'est assez, enfin, pas faible, mais bon, c'est ralenti et puis la vitesse, c'est pas mon truc. C'est vrai que le fractionné, t'as un peu de mal avec le fractionné. Oui, j'aime pas ça. Non. Mais bon, il faut le faire, mais bon. Il faut le faire, mais je te force un peu de le faire. Un peu, ouais. Oui, un peu. Donc ça y est pour cet épisode. La prochaine fois, je vais parler à la directrice du parcours de Parkrun à Gradignan, Aurélie. Donc dans les notes de ce podcast, vous allez trouver des liens à ce qu'on a discuté aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer sur Twitter, French Running. Et donc, on se parle en épisode 2. À bientôt. Bye bye.